tu deals avec Haïti, c'est quelque chose, Haïti. Fait que l'envie, ça n'est pas. Juste comme la fille qui est en amour, qui est en amour, ben oui, puis elle aime son gars, puis elle aime son gars, puis elle aime, puis elle sait qu'il y a une autre femme, puis elle sait qu'il y a une femme, puis elle sait qu'il y a une maîtresse, mais elle aime. Super. Mais il y a rien à faire. Comment tu dirais, bon, ben un jour, faut que tu lâches, parce qu'un jour, tu vas finir avec rien. Elle aime. Fait que la seule chose à dire, c'est mange la marde, continue à lever, calisse, puis bonjour. C'est pas ça que vous faites. Vous autres, vous rencontrez le petit restaurant, puis à Flair, puis à Dialem, puis ben oui, je comprends que tu l'aimes, de manière. Fait que vous êtes réellement des malades. Vous êtes réellement des malades parce que vous jouez du cinéma, vous pensez réellement comme Shakespeare, tu sais. Shakespeare dit, life is a game, on est tous des acteurs sur un stage. Parce que Shakespeare dit ça, là, qu'on est tous des acteurs sur un stage, là, nous autres, on pense que c'est de même. Fait qu'un jour, l'homme va se réveiller, le Christ de stage, vous allez pas sauter, puis les rideaux, vous allez les descendre, puis vous allez arrêter d'être des acteurs sur un stage, puis c'est vous autres qui allez devenir le stage. Ça prend de la conscience, vous devez voir. Puis ça prend une conscience, une intelligence qui est réellement très vibrante, qui comprend une chose, que la vie, c'est faite à tous les niveaux pour nous faire chier. Il n'y a rien dans la vie de bon, autre que ce que tu es en tant qu'être conscient et capable de te donner d'intelligence. Le reste, c'est toute la game. C'est la game astrale, c'est la game à tous les niveaux, puis dans la vie, il n'y a rien de bon. Parce qu'il n'y a rien sous son contrôle. Fait que la vie sera bonne pour l'homme quand ce sera sous son contrôle. Il faut qu'il l'amène sous son contrôle, mais il faut qu'il vive. L'homme ne vit pas. Il rationalise. Il est psychologique. La vie est en amour, là, avec deux, trois gars. Ou un gars qui a deux, trois femmes dans sa vie. Il est en amour pendant 2 ans même. Fait que comment tu dirais, mais pauvre, tu sais, t'as pas d'avenir avec cet homme-là. Il va pas être à pleurer un soir, là, puis quand elle entend parler, il s'est fait une quatrième maîtresse. Là, ça va péter son sac, là. Elle va faire une crise, elle va tomber en dépression, il va arriver quelque chose, puis là, finalement, elle va prendre la décision. Mais la prendre froide, la décision, non. Parce qu'on n'est pas capable de prendre des décisions froides. Parce qu'on est trop chaud. On est plein d'amour, on est plein de sentiments, on est on est ça, on flotte. Puis un jour, vous allez réaliser que la vie, c'est une game. C'est contrôlé à partir des plans, c'est programmé. Puis un jour, si l'homme est pour devenir intelligent, il va falloir qu'il casse ça. Ça. Casser la vie, c'est casser en soi ce qui nous empêche d'être libre. Donc, pour vous, la parole, c'est accompagné d'une décision et d'une action. L'individu souffre pas. Si vous n'avez pas d'action, votre parole saigne la rosette. Non, mais ce que je veux dire, Bernard, c'est qu'il n'y a pas de souffrance si la parole passe à l'action dans l'univers. Ben non, parce que tu te dégages. Au lieu de te constiper, puis te constiper, puis te constiper, puis te constiper. Moi, quand j'ai décidé d'envoyer la bébelle à Port-au-Prince, même si ça me coûte 400 piastres de plus, j'ai éliminé la tension de ça, je fais. C'est pas le 400 piastres qui me dérange. C'est la tension. T'es obligé d'attendre, puis d'attendre, puis d'attendre, puis d'attendre, puis d'attendre. Et une personne qui n'avait pas les ressources, par exemple, pour prendre cette décision. On les a toujours les ressources. On a toujours les ressources. Tout le temps. On les a tout le temps les ressources. Tout le temps, mais on ne les voit pas. On ne les voit pas les ressources. Est-ce qu'il est intelligent de parler quand une personne vit de souffrance? Est-ce que c'est important de parler pour identifier les ressources? Oui. C'est là que parler est utile. Ça vous permet d'identifier les ressources parce qu'en parlant, vous apprenez à réaliser qu'il y a beaucoup de voiles, il y a beaucoup de couches à votre conscience. Fait, parler, c'est très, très bon. Mais une fois que vous avez identifié l'affaire, il faut que tu passes à l'action. Bon, une fois qu'une personne... Il va toujours avoir quelque chose pour vous empêcher de passer à l'action. OK, bon. Fait que dans un premier temps, on peut parler pour identifier un problème. Et puis dans un temps, un autre temps, on semble pouvoir devoir parler pour établir la décision. C'est pas sélection. Quand est-ce que la petite paramètre, c'est pas sélection. OK. Est-ce que passer à l'action, ça établit automatiquement que ça va débloquer? Passer à l'action, si vous passez réellement à l'action, automatiquement, c'est comme si votre intelligence est à la fine pointe. Là. Fait que vous les avez, les ressources. Mais c'est un état mental, passer à l'action. C'est pas une décision psychologique. Vous autres, passer à l'action, c'est une décision psychologique. Moi. Mais je vais passer à l'action, là. Je vais arrêter de fumer. Comme moi, j'ai arrêté de fumer, là. Ça fait 5 jours, là. Ça fait 40 ans que je fume, t'as suivi. Là, j'ai arrêté de fumer dernièrement. J'ai arrêté de fumer. Ça peut pas être une grosse affaire, arrêter de fumer. T'arrêtes-tu de fumer, mais on t'arrête pas de fumer. Puis, tu sais, pourquoi le monde va arrêter de fumer? On dirait que c'est un martyr, arrêter de fumer. Quand j'ai décidé de fumer pendant 40 ans, j'aimais ça. Là, j'ai décidé d'arrêter. T'as suivi, là? Et nous autres, c'est pas de même qu'on dit ça. C'est pas un état mental, nous autres, prendre une décision. Prendre une décision, nous autres, c'est comme tout un genre de mouvement psychologique d'évaluation, puis de ça n'arrête plus. T'arrêtes de fumer, mais là, t'arrêtes pas de fumer. Pourquoi c'est ce qu'on fait avant? Parce que j'avais pas le goût d'arrêter de fumer. J'aimais ça. Là, j'aime plus ça. Parce que ça faisait souffrir. Ben, parce que là, quand ça commence à tomber dans mes bronzes, ben, quand ça commence à tomber dans mes bronzes, ben, t'arrêtes le corps, il t'envoie des signaux, t'as des sinistres. T'arrêtes. Mais quand t'arrêtes, pour que ce soit compliqué, t'arrêtes. Donc, faut que ça souffre. Ben, quand c'est bon, t'as pas besoin d'arrêter. Quand t'as pas de problème, t'as pas besoin d'arrêter. Si t'aimes quelque chose, si t'aimes ça faire l'amour, mais si un jour tu fais l'amour, puis c'est dur, puis t'es rien, mais là tu vas faire un autre sort d'amour. Je veux dire, tant que c'est bon. Bon. Moi j'aime ça fumer, j'ai toujours aimé ça fumer. J'ai demandé au médecin, mes poumons sont-ils bons, ils sont parfaits. Bon. Mes poumons sont bons, mes bronches commençaient à s'affecter parce que j'ai une limite. Là j'arrête. Mais quand j'arrête, je commence pas. T'as pas né. T'étais pas bourgeois et puis fumé. Parce qu'il s'y en a là. Parce que j'ai décidé d'arrêter de fumer. T'arrêtes-tu ou t'arrêtes pas? C'est quoi la crise d'affaires? Non, mais c'est parce que les gens se demandent toujours où est-ce qu'on est capable de contenir la décision qu'on prend. Vous ne contenez pas la décision parce qu'on vous laisse astraliser. Les pensées, le petit bonhomme dans la tête qui vient. Tu l'aimes ton corps ou tu n'aimes pas ton corps? Y a-tu trop de maîtresse ou une pensée de maîtresse? Quand est-ce que tu vas arrêter? Puis tu connais 8 maîtresses, tu te lèves là. On ne prend pas de décision. On n'a pas un état mental décisionnel, on prend des décisions. Puis on va une certaine distance. On n'a pas un état mental. C'est pas nous autres qui rentrent. Une fille qui est dans l'amour qui a son chum à 4 blondes, c'est évident qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Rouvre tes lumières. Quand vous prenez une décision et que vous la contenez, est-ce que ça établit automatiquement que les événements se placent? Ah, ben c'est évident, parce qu'à ce moment-là, tu changes toute ta programmation. Okay. Donc, changer sa programmation, c'est pas ça. Changer ta programmation, c'est casser le pouvoir des forces occultes sur ta conscience planétaire. Que ce soit une petite échelle ou une grande échelle, c'est la même affaire. Faut que tu casses quelque chose. Tu peux pas prendre le contrôle si tu casses pas quelque chose. Tu peux pas vivre par rapport à elle. Tu peux pas vivre par rapport à l'homme. Tu peux pas vivre par rapport aux forces occultes dans toi. Tu peux pas vivre par rapport à elle. C'est toi qui rends le show. Est-ce que vous pouvez bâtir votre santé dans cet esprit-là, dans cette dynamique-là? Tu peux bâtir n'importe quoi quand tu veux. Quand tu es dans cet état-là, tu peux bâtir n'importe quoi. Est-ce qu'une personne peut arrêter sa souffrance dans presque l'instantané avec cette vibration-là? Vous, si vous souffrez,

C'est quoi les principaux objectifs? Comme si, il y a du monde dans l'autre salle, l'autre bord, là, qui, bon, là, c'est tranquille, le monde peut m'écouter, là. Mais si j'avais des tensions avec le fait qu'il y a du monde dans l'autre salle, là, qui joue de la musique, là, je dirais à ma secrétaire, va les voir, ces hostiles d'avant, là, pour qui on fait, avec lesquels on fait des affaires depuis des années, puis quand ils louent une salle, tout mon monde, tu sais, là, Chris, qu'on ait de la peine, c'est une conférence, tu sais, là, par tout le rock'n'roll ou le rock'n'roll spirituel, qui passe de notre salle, puis qui nous donne la peine, là. Parce que sans ça, moi, je suis capable de prendre la crise de salle, tu sais, puis je vais acheter de part, je vais l'envoyer ailleurs. Ou j'en ferai pas de conférence. Autrement dit, je vais pas me laisser dominer par l'inconscience d'une de monde qui aura un hôtel comme ici, qui sont pas assez intelligents, savoir, qui comprennent que nous autres, on fait des affaires avec nous autres depuis 3, 4, 5 ans, qui sont encore assez niaiseux pour nous crisser des chanteurs à côté quand on parle de choses sérieuses parce qu'on est en conférence. Ça ferait une conférence d'affaires, c'est ici. Mais quand ça marche, ça marche. Mais quand ça marche pas, faut qu'ils gardent, je garde. Fait que moi, je ne vais pas dire, bon, ben, là, là, j'ose vous dire, bon, ben, si, pas vu le pizzal, là, c'est dans le coin, peut-être que je ne pourrais pas faire la conférence la semaine, le mois prochain. Moi, je m'en crisse que je ne veux pas de conférence le mois prochain. Ce que je veux pas de tension. Je veux que le monde en arrière soit capable de m'écouter quand je parle. Que les autres aussi n'aient pas de tension. Fait que si tu n'es pas capable d'être réglé, ça, par ma secrétaire ou une mante, je vais crisser ça là. Je pars! Je me fais pas chier! Je paye mon loyer, moi, ici! Le monde paye quand il vient ici! On veut la paix quand on vient ici! Fait que vous autres, si vous êtes un crise d'hôtel, remis votre petit hôtel comme du bord! Sans ça, vous crissez là! C'est ça que je veux dire, cassé! Tandis que vous dites, ah, mais mon Dieu, vous savez, on peut pas rien faire, vous savez, tabarnak, ça, je parle pas en français! Je vous l'ai déjà dit. Vous savez, on a fait une erreur. C'est pas notre faute. L'employé, il est parti. Va chier, tabarnak. C'est tout ce qui est arrivé. Je m'en condamne, c'est quoi? J'étais là en Suisse, là, bien des années. J'étais bien tout mauvais à ce temps-là, qu'aujourd'hui, je suis tranquille. Mais, je m'en vais dans un hôtel en Suisse. Je monte avec ma femme qui t'a fait, puis on était rendu des. On était rendu des montagnes en haut, là. Puis, au lieu de nous dire, bon, ben, à 4 heures, vous descendez en bas parce que vous allez être obligé de rester à l'hôtel parce qu'on fait. Ils nous disent rien, tu sais, ils ont un petit écriteau dans le coin, là, à 4 heures, ouais, vous descendez là. Fait que, ben, pensez que les potes se parlent, tu sais, c'est comme ça va de James Bond, tu sais, les potes se parlent, ils sont plus, t'es pas là pour la nuit, Chris. Fait que là, j'ai dit, tu sais, qu'il se passe. Il m'a dit, le chariot, je ne sais pas comment ça s'appelle ça, il est redescendu, vous savez, à 4 heures, il faut partir. Mais j'ai dit, Chris, vous ne l'avez pas dit. Fait qu'en tout cas, fait qu'il me donne une chambre d'hôtel, puis le lendemain matin, à part ça, la chambre d'hôtel était supposée de coûter tant, le lendemain matin, c'est ça. Je t'ai fait une astuce dans le lobby d'hôtel, puis laisse-moi dire, Chris, tu penses que je viens de nous à traiter, moi j'en ai un petit peu. Je t'ai fait une crise de guerre de l'orbite. La femme, elle a eu tellement honte. Là, j'ai sacré la Québécoise. J'ai amené réellement le Québec en Europe. Puis j'ai dit, ah, calice, là. La bonne femme, elle était tellement énervée qu'elle me laissait partir. Elle m'a pas même pas cherché pour la chambre. Elle dit, monsieur, vous devez partir, on peut pas prendre ça. Moi, j'ai dit, pas de problème. Elle dit, on vous charge pas. Pas de problème. Non. Don't fuck with me, calice. C'est ça, je veux dire, la prendre sur ton compte-là. Mais on ne fait pas ça, nous autres. Parce que nous autres, on est polis. Moi aussi, je suis polis. Mais arrête de me faire chier, je suis tanné. On est polis, on est toujours polis. Moi aussi, j'aimerais ça parler à la française comme ça. Puis, tabarnak, quand ça passe pas, assis-y, tasse-toi. Parce que je m'en viens avec mon frère. Comprends-tu? Je pense à travailler n'importe qui. Normal, pas normal, paranormal, occulte, nerveux. Je pense à travailler. C'est du quoi? Parce que j'ai pas peur. C'est du quoi? J'ai pas peur. Parce que j'ai appris au cours de mes 20 ou 25 ans de fusion à combattre ces crises de force-là qu'on a dans le cul. Qui font partie de notre système nerveux, nos larmes, tout ça. Nos pensées. Je les ai tossées. J'ai pas peur d'aller à l'enfer, j'ai pas peur d'être donné, j'ai pas peur d'autorité, j'ai pas peur de Dieu. Everybody, fuck you except me. C'est évident que si je sors de ça, que je donne dans l'instruction, ça veut dire ça, ouvrez-vous le mien. Tu me laisses tout bon. Y a-t-il des situations de mort où les gens ont des urgences et ils ne les voient pas? C'est une situation où on a des urgences qu'on ne les voit pas. C'est pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas? Parce qu'on s'est passé. On n'a pas de conscience du vouloir. Mais ça a l'air d'être long à développer, cette conscience. C'est long à développer parce que parce qu'on a des buffers. T'sais, vous autres, l'homme n'est pas en fusion. Moi, dans un sens, j'ai l'avantage, j'ai vécu une fusion. Fait que j'ai été tellement possédé par ces crises de poste-là que les conseils, ça m'a pris des années. Parce que vous autres, vous n'êtes pas possédé par eux autres. Quand vous autres, votre, la conscience de votre subconscient et la conscience de votre relation avec votre subconscient, vous n'avez pas. Vous avez des prises de conscience spirituelle. Vous êtes conscient. Vous voulez évoluer. Vous êtes conscient supplémentaire. Moi, je fais la crise de paix. Pas pareil. Tu sais, vous autres, vous êtes en bas avec le drapeau. Moi, je le mange, le petit drapeau. Mangez de la mort. Le matériel, les hiérarchies, tout ce qu'on a appris depuis 10 000 ans. Tu m'expliques, moi. C'est moi qui rentre. Quand vous vous êtes fait fusionner sur les nerfs, aviez-vous une conscience vibratoire, comme on dit, très là? Il donne une conscience vibratoire, mais t'es très spirituel. Fait qu'à ce moment-là, elle ne sert à rien. Okay. Parce que t'es aime. Okay. T'es fou comme de mal. Hey, tu te fais parler au téléphone, tu oses par ton chum d'autre bord, que tu ne vois pas. Puis tu donnes des informations, puis tu es très intelligent. Tu t'ennuies-tu de ton gars? Mais au bout des années, mais t'apprends, finalement, t'es donc, tu vas parler. Il va falloir un jour que l'homme tombe complètement invisible, si l'homme va être en contact avec les mondes parallèles, sans ça, vous allez former des religions ici de sa mère, qui vont faire en sorte que ce qui s'est passé sur l'Atlantique, ça va être un jeu, ça va être un jeu d'enfant. Ça se fait vite, ça. Ah! C'est évident. Si l'homme n'apprend pas à contrôler les forces psychique de son être qui, techniquement, sont capables de se matérialiser. Il est fait à l'os. Puis maîtriser ça, c'est seulement une conscience vibratoire. Vous avez... La conscience vibratoire, c'est le résultat de la transmutation des émotions. C'est le résultat, c'est pas une a priori une conscience vibratoire. L'homme ne vivra pas une fusion directe. C'est pas une a priori. Non, mais vous imaginez d'abord, vous avez une fusion sur les nerfs, vous avez automatiquement une conscience vibratoire, ça vous prend 14 ans de souffrance pour les intégrer. Oui, parce qu'il y a des choses, il faut la savoir que d'abord, tout ce qui est occulte, c'est mensonge. Oui. Pas évident. Non, c'est pas évident. C'est pas évident pour l'être humain de savoir que tout ce qui est occulte, c'est mensonge. Parce que pour l'être humain, ce qui est occulte, c'est fantastique. Ce qui est du domaine du fantastique. L'information. Tout. Ben oui, je reçois l'information qui est précise. Tu reçois l'information qui est précise pour t'embarquer pour ta l'heure. Si on avait reçu l'information qui est précise, puis qui est objectivement précise comme on a en science depuis des siècles, on s'est avancé, aujourd'hui. Je veux dire une information observable. Une observation qui n'est pas. Qui n'est pas teinté par les lois du mensonge cosmique, qui n'est pas basé sur le fait que le transfert du pouvoir de l'invisible au matériel ou des clairs vers l'homme doit se faire simplement en fonction de sa science, de ces lois-là. Sans ça, on devient magnétisé, on devient dangereux pour les hommes. Quand vous parlez de pouvoir, vous parlez d'un pouvoir qui peut être conditionnable? Quand je parle de pouvoir, je parle... Quand je parle de pouvoir, je me rappelle plus où je connecte avec la question, là. Ben là, c'est parce que vous nous parlez que l'être vit mensonge cosmique. Oui. Que si on a de l'information précise, on devrait avoir une information précise qui ne relève pas de « on donne » puis « on dédonne ». Bon, ben, ça, pour ça, il faut que l'homme intègre son énergie, parce que c'est trop, c'est

qui se coordonne avec les événements. Qui se coordonne avec les événements. Parce que vous, là, votre freezer, vous n'auriez pas pu l'envoyer il y a 6 mois. Non, ça n'a pas le temps. Là, c'est le temps. OK. Fait que votre mise en vibration puis votre choquer, il est dans le montagne. Il est tout un montagne. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais une personne ne peut pas se choquer devant une situation dans laquelle elle vit de l'impuissance quand c'est pas dans le montagne. Les hommes. Bon. Où est-ce qu'on sait que c'est le montagne? Ah, ça, c'est intéressant. Bon, ça veut dire que tabarnak, il n'y a rien qui t'arrive. Je vais prendre le freezer, je vais le mettre sur mon astuce d'eau, je vais marcher à Miami, Chris. Puis il s'en va là. Ça devient inconditionnel. Faut que ça! Faut que tu le chies! Faut que ça! Je ne veux pas garder un petit peu de crotte, là. Faut que ça sorte! Le timing est parfait, je remets ici. Au bout de mois, faut que ça! Il n'y a pas l'affaire, mais je vais le garder un petit peu plus longtemps. Faut que ça! C'est un petit peu la même chose. Le timing. Okay. Mais il y a 6 mois, vous n'auriez pas pu le porter sur votre dos. Mais c'est ça. Non, parce que il y a 6 mois, je ne le vivrai pas. OK. Fait qu'on peut pas, on peut pas se commander une vibration. Oh, ça, c'est intéressant. Tu ne te commandes pas une vibration. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est la transparence de l'ego. Tu ne commandes pas une vibration. Mais quand elle passe, elle commande. C'est un petit peu de mal, ça marche. Tu ne veux pas t'en commander, mais quand elle passe, elle commande. Mm-hmm. C'est un petit peu ça, la conscience. Mm-hmm. Quand tu es en conscience du vibration, moi, je n'ai pas commandé quand j'étais dans mon tête en Suisse. Je n'ai pas commandé d'être la mère. Non, non. Mais le timing était là. Faut que la passe. Fait qu'à ce moment-là, laisse-moi te dire, tout change. Parce que t'amènes tout, tu t'en vas voir. C'est une vraie affaire. Fait que tu peux pas commander une vibration. Mais quand t'en passes, tu sais. Ta vie, instantanément, est mise en vibration. Toute ta vie, elle tourne autour de ça. Ça fait combien de temps, ce tour, là? Ça fait 2-3 jours, là, que je suis dans l'affaire du freezer, là. Tout marche. Tout marche. Parce que je viens de ça. Là, tu me demandes pas d'écrire des livres chez nous, m'aimes pas d'aller voir un film. Là, je suis dans l'affaire. Le Christ de Fraser, ça va pas au prince. Ma fille, c'est tabarnak. Mais les présidents, c'est j'ai une compagnie à part au prince, ben, au camp. Là, j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin d'envoyer un Fraser nord pour amener des affaires en Haïti pour votre allez-vous m'aider, oui ou non? Êtes-vous capable de m'aider, oui ou non? Moi, je suis capable de faire ça. Je suis capable parce que je suis en vibration. Parce que quand tu n'es pas en vibration, tu ne vas pas faire des vitines. Il est président de la République. T'as pas un corps. T'as des émotions dans le mental. T'es pas le faux cul. T'es pas dans le sud de ton cul. Il est gratuit, tout est. Là, c'est moi, tabarnak, qui est grand. Tu dis, écoute-moi! Parce que c'est comme ça que tu fais avancer les affaires. C'est-tu possible qu'une expérience comme ça, le freezer, ça sert strictement à vous mettre en vibration pour ouvrir beaucoup d'autres choses? Ça devient comme un prétexte pour changer un mode de vie, changer une. Bon, ça crée l'autre dynamique, là, parce que c'est le temps, ça crée l'autre dynamique. Et là, je t'habitue à ça. Oh, mais vos grandes décisions sont toujours, ont toujours passé par un freezer qui bloquait. Ça, d'autres choses, là. Parce que souvent, pas longtemps après, là. C'est en focus. T'es bien en focus, là, ce temps-là. J'étais le char le matin, j'étais le char 2 avant la matin. Un freezer là-bas, puis la pâte de la piscine. Faut que ça s'en aille là. En focus. Tu viens bien en focus. Tu viens de te faire. Mais là, comme tu dis, la vibration, il faut qu'elle passe. Mais si tu n'as pas les corps, si tu as trop d'émotions, elle ne passe pas cette vibration-là. Non, ça fatigue. Fait que là, tu demeures psychologique. Là. Mmh. Bon, ça, c'est une affaire de mort. Il y a des gens qui vivent des colères, ils sont épuisés après. Il faut qu'ils aillent se coucher. Évidemment. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu vis une colère, il faut que tu ailles te coucher. C'est parce que la colère, elle s'est refroidie. Refroidie.

Territoire. Ouais. Tu prends le contrôle de ton territoire mental, émotionnel. Mm-hmm. Tandis qu'une colère psychologique, ça s'adresse toujours à l'extérieur. C'est toujours à l'extérieur. On essaie d'éviter le territoire. La preuve, c'est que quand tu es dans une conscience vibratoire et que tu as une opposition dans la vie quelconque, là, puis si tu vas par en terre, tu te rends à ce niveau-là, tu es capable de communiquer par en terre. Si tu vas par en terre, tu te dis pas, ben, c'est quoi le problème? Ils te répondront pas. Fait que moi, si j'ai un problème, on va dire l'opposition, je leur pose une question, je suis poli. Je leur pose une question, je te pose une question, tu réponds. Moi, je te pose une question, tu ne réponds pas, mais tabarnak, là, ils sont faits à la société. Là, je vais faire n'importe quoi pour te casser. Faire n'importe quoi. Casser. Je vais les casser. Après ça, je vais faire venir ça aller. Quand je parle, tu laisses répondre à moi. Parce qu'oubliez pas une chose, hein. C'est là, en tant qu'être humain, on est des êtres humains. Sanitaire. Donc, on est des hominides extrêmement primitifs. Mais en tant qu'hominide primitif sur la Terre, sur le plan matériel, dans une enveloppe charnelle, on a très peu d'idées de la construction, de l'évaluation, de la structure, de la nature, de l'essence, des intelligences qui sont dans les mondes parallèles. On projette des images de ces êtres-là qui ont été façonnés par nos consciences raciales, chrétiennes, la juiverie, le bouddhisme, l'animisme hindou, indien. Mais on n'a pas réellement l'expérience morontielle. Qu'est-ce que ça a l'air? Ce qu'on appelle, nous autres, des arcanes. Qu'est-ce que ça a l'air, cette crise de monde-là? C'est quoi ce mot-là, arcane? Ça, c'est bon. Ça, c'est de la soupe au lait, c'est de l'arcane. C'est bon. C'est bon. Vous, le terme opposé est diable. C'est en gros de la soupe au lait. Ça vient d'eux autres. Ça vient de l'astral. Parce que la seule façon que des intelligences qui sont dans d'autres mondes peuvent se manifester dans leur, peuvent se définir à l'homme qui est réellement. Réellement niaiseux, parce qu'on devient réellement con. C'est à travers une panoplie de symbologies que tu trouves qui est interconnectée un petit peu dans toutes les cultures de la Terre. Fait qu'on n'a pas la science de qu'est-ce que c'est ça. Fait qu'on a, ce que j'appelle, un respect spirituel pour toute cette crise de gang-là. Puis on a un respect spirituel à un point que si on est moindrement englobé dans une forme de haute spiritualité, bon, on y met tout d'un top, on appelle ça Dieu. Au lieu de traiter ça là, comme des gouvernements sur dans nos plans qui sont relationnel à nous autres à cause du fait qu'ils ont un autre taux vibratoire. On peut comprendre sur le plan matériel, là, aujourd'hui, là, on peut comprendre que, tu sais, le cendrier, ce n'est pas réellement physique, il est fait d'atomes, c'est que ça avec un électromicroscope, tu peux bien les affaires, tu sais. Ça, on est willing. Ramenons ça dans la musique. On est willing. Mais de là, être capable, willing, là, de savoir et d'accepter que la pensée vient d'ailleurs, comme telle, la voix dans le radio vient d'ailleurs, puis que c'est du monde, là, c'est des intelligences, là, différents niveaux d'évolution. Il y en a qui font partie de ce qu'on appelle le mal, il y en a qui font partie de ce qu'on appelle la lignée, tout ça, toutes ces catégories-là, enfantines, là, qui font partie de la tour de Babel, là, de l'homme, là. Puis toute notre connaissance, toute notre mémoire, tout le vocabulaire qu'on a qui est un fait, les anomalies mentales de notre conscience qui, dans le fond, sont représentés par nos pensées, parce qu'une pensée, c'est une anomalie mentale. C'est pas normal de penser. C'est pas normal de vivre une réflexion de pensée. Quand tu es réellement intelligent, tu communiques avec ce qu'on appelle des supérieurs, autrement dit des êtres qui sont dans d'autres mondes, qui sont simplement supérieurs parce qu'on a encore le respect spirituel par rapport aux autres. Mais pour moi, ils ne sont pas supérieurs pour moi. Il y a moins ce petit cul que l'autre petit cul là. C'est égal. Mais en 69, c'était supérieur. Mais au bout des années, j'ai été tassé, là, c'est de même. Fait qu'il va venir à un point où l'homme va les tasser, tu vois, là. Fait que quand l'homme va être capable de les tasser, puis ça va être horizontal, la relation, il va avoir...